العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, la deuxième partie de cette assise demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Elle concerne donc ce qu'on a commencé il y a quelques semaines. C'est une étude brève et concise, une présentation modeste des nobles caractères en islam. Donc le bon comportement, le noble caractère. Et aujourd'hui, donc, on va aborder un chapitre toujours tiré donc du livre d'Ibn Hibban, Rawdatul Uqala, dont le titre est tiré du livre. Et la suite donc est largement inspirée de ce qu'il a pu inclure donc dans ces chapitres, et également de certains enseignements du Cheikh Abdelrazzaq al-Badr dans le commentaire qu'il en a fait. Et j'incite à nouveau les arabophones à écouter cette série de cours du Cheikh Abdelrazzaq Ibn Abdel Mohsin al-Badr. Ça concerne aujourd'hui donc l'incitation à l'étude constante du savoir et le fait de persévérer dans cela. Ça concerne donc l'incitation à l'étude constante du savoir et le fait de persévérer dans cela. L'imam Ahmed, rahimahullah, a rapporté dans son Musnad, et d'autres que lui également l'ont rapporté, qu'une personne est venue voir Safwan ibn Assal. Et Safwan lui a dit: qu'est-ce qui t'amène? La personne lui a dit: je suis venu à la recherche de la science. Et Safwan lui a alors rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit: il n'est pas une personne qui sorte de chez elle à la recherche d'une science sans que les anges n'abaissent leurs ailes pour elle. Il n'est pas une personne qui sorte de chez elle à la recherche d'une science sans que les anges n'abaissent leurs ailes pour elle. Ici donc, on aborde ce chapitre-là après avoir parlé, je pense que vous vous en rappelez, de la réforme des cœurs. Puisque le chapitre qui précédait, c'était quoi? C'était la réforme des cœurs par la crainte constante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi donc on fait suivre ce chapitre par celui-ci? Par l'incitation à l'étude constante du savoir, donc la science religieuse, et le fait de persévérer dans cela, car dans un premier temps, tu dois chercher à purifier ton cœur, à purifier ton cœur, donc ton intérieur, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu fais suivre cette purification-là par quoi? Par l'embellissement. Et avant d'embellir quelque chose, d'abord tu dois la nettoyer, na'am, et tu dois la purifier. Et ensuite tu cherches à l'en bénir. C'est pour ça qu'on dit que le nettoyage passe avant l'embellissement, na'am. Et c'est donc dans cette logique-là que ce chapitre succède à celui que nous avons abordé la semaine dernière. Ici, c'est un mérite parmi les nombreux mérites de la science qui ont été abordés dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, relaté par Safwan ibn Assal. Et un individu, donc, l'individu qui est censé, qui est doué de raison, il ne peut pas être négligent concernant une chose pour laquelle les anges abaissent leurs ailes pour celui qui la recherche. Dis-toi que les anges abaissent leurs ailes pour celui qui est à la recherche du savoir. Et cette chose-là, elle est réelle. Et nous y apportons foi, même si nous ne la voyons pas. Et ça relève de la foi en l'invisible. Et vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait les éloges de ceux qui croient en l'invisible. Et c'est au début de sourate al-Baqarah. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Alif Lam Mim, ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et qui est une voie et qui est une guidée pour les pieux. Puis il a décrit ces pieux en disant ceux qui apportent foi à l'invisible. Et ici donc, c'est l'occasion justement de concrétiser cette chose-là. Nous avons foi au fait que les anges, même si nous ne les voyons pas, abaissent leurs ailes pour celui qui sort de chez lui à la recherche d'une science. Et il peut arriver qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre certains signes ou hâte le châtiment et la punition de ceux qui renient ces choses-là et qui cherchent à s'en moquer. C'est pour ça que certains commentateurs du hadith qu'on a mentionné, ils ont rapporté l'histoire de quelqu'un qui était parmi les égarés, donc parmi ceux qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui avait entendu ce verset, ce hadith. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses chaussures et il a mis des clous en dessous de ses chaussures. Et ensuite, il a attendu que certains étudiants en sciences y passent sur le chemin, et il est venu, donc il s'est mis à côté d'eux et il a commencé à marcher avec eux. Ces étudiants-là, donc, ils ont vu cette personne-là, donc avec ses chaussures, donc munies de clous. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ils lui ont dit, non, je marchais avec vous pour piétiner les ailes des anges. Et celui, donc, pour se moquer de cette chose-là. Celui qui rapporte l'histoire, il a dit, et lorsqu'il a dit ça, ses jambes l'ont lâché. Et elles sont devenues comme sèches. Je ne sais pas si vous voyez comme quand les jambes d'une personne, par exemple, elles deviennent inutilisables, raides, donc il ne peut plus les utiliser, il n'y trouve plus aucune force. Et il est tombé sur le moment même, et c'était là donc une punition qui lui a été infligée par Allah subhanahu wa ta'ala, et la punition, le châtiment lui a été hâté du fait qu'il s'est moqué de cette chose qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que la recherche du savoir, on en avait abordé dans certaines règles de bienséance, certaines bienséances qui sont liées à la recherche du savoir. L'imam Sha'bi, par exemple, donnait comme recommandation à ses élèves et leur disait « Ne recherchez pas cette science à la manière des imbéciles, mais recherchez-la plutôt avec quiétude, patience et sans empressement. » Avec quiétude, patience et sans empressement. Et ça, c'est quelque chose d'important que recommande ici l'imam Al-Sha'bi. Et également, il oriente vers quelque chose de primordial, d'important à connaître. Si tu veux arriver donc à quelque chose, à un résultat, il faut que tu saches, comme le disaient les salafs, que celui qui recherche la science en bloc, il la verra partir en bloc. Et que la science ne s'obtient pas en un jour ou deux, mais plutôt elle s'obtient au fur et à mesure des jours et des nuits que tu vas passer à apprendre. Et donc, tu te dois de faire ça de manière patiente, méthodique, petit à petit, afin d'assimiler, afin de ne pas te lasser, car si tu charges ton âme plus qu'elle ne peut le supporter, il y a de grandes chances, et qu'Allah nous en préserve, que tu délaisses totalement la chose. Donc, le faire avec quiétude, patience et sans empressement. Également, parmi les recommandations de l'imam Sha'bi, Le fait qu'il disait que celui qui recherche la science, il doit être doté, entre autres, de deux caractéristiques, la raison, être quelqu'un donc doué d'une raison, de sensé, et également quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois réunir ces deux choses-là, et ne pas être juste quelqu'un qui est doué de raison, et qui est intelligent, et qui recherche la science et qui l'apprend, mais par la suite, qui est faible dans ses adorations. Et ne pas être non plus quelqu'un qui s'adonne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas doté d'intelligence. Au contraire, il disait donc, la personne doit réunir ces deux caractéristiques-là. Et il faut savoir justement, en parlant d'adoration, que c'est justement là, donc l'acte, le fait d'œuvrer, la mise en pratique, l'adoration, c'est justement là le but de la science. Même si la science en elle-même, c'est un acte d'adoration. Naam, ça il faut le savoir. La science en elle-même, c'est l'apprentissage de la science, en soi, c'est un acte d'adoration. Mais également, ça doit te mener à d'autres adorations que tu apprends. Tu apprends comment te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut donc que tu mettes en pratique ces choses-là que tu apprends. Tout en gardant à l'esprit que l'apprentissage de la science en soi, c'est également un acte d'adoration, et ça fait partie des actes d'adoration les plus méritoires après ce qui est obligatoire. Et il faut savoir que ce qui est voulu des choses, en général, c'est leur profit. Ce n'est pas les choses en elles-mêmes, non, c'est leur profit. Et c'est le cas également de la science. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la science, contre une science qui ne lui serait pas profitable. Contre une science qui ne lui serait pas profitable. Et il faut savoir également, quand on parle de savoir de la science, que son étude, elle doit être faite, comme on l'a dit, de manière méthodique, et qu'il y a des étapes. C'est pour ça que Soufiane ibn Uyayna disait que les étapes de l'apprentissage, c'est la concentration. La concentration. L'écoute. La concentration, l'écoute, la mémorisation, la mise en pratique et la propagation, la diffusion, donc le fait de propager ce que tu as appris. Donc il a cité 5 choses. La concentration, l'écoute, la mémorisation, la mise en pratique, na'am, et également la diffusion. Et dans le même sens, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak disait, et c'est légèrement différent, mais c'est dans le même sens, il citait quant à lui 6 étapes. La bonne intention, à la place donc de la concentration qu'avait cité Soufiane ibn Uyayna. La bonne intention, l'écoute, la compréhension, donc il a rajouté la compréhension, la mémorisation, la mise en pratique, Et la diffusion. Donc il a cité quant à lui 6 choses. Naam. La première, c'est la bonne intention qui vient prendre la place de la concentration qu'avait cité Soufiane ibn Uyayna. Et également, il a cité, en plus, il a cité quoi? Pour ceux qui ont suivi, la compréhension. Naam. La compréhension avant la mémorisation. Naam. Et de manière générale, donc, tu peux réunir ces différentes étapes-là, celles qui ont été mentionnées et complétées, et rajouter par exemple à la parole de Ibn al-Mubarak, rajouter la concentration qu'avait cité Ibn Uyayna. Et donc cette parole de Ibn al-Mubarak, la première donc a été rapportée, a été mentionnée par Ibn Hibban donc dans son livre Rawdat al-Uqala, et la seconde de Ibn al-Mubarak a été relaté par Ibn Abd al-Barr dans son livre Al-Jami'. dans son livre Al-Jami' et c'est Cheikh Abdelrazzaq donc qui a apporté donc cette précision là en rapportant donc cette parole de Cheikh ou de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. On a pu voir ici que à la fois Soufyan ibn Uyayna et à la fois Abdullah ibn Mubarak, ils ont cité quoi? Ils ont cité l'écoute. Al-Istima'. Et il y a une différence entre Al-Istima' et Al-Sama'. Na'am. De la même manière qu'il y a une différence en français entre quoi? Entre l'écoute et le fait d'entendre. Entre l'écoute et le fait d'entendre. Écouter et entendre, ce n'est pas la même chose. Et ici, donc, on parle bien d'écoute, pas juste. Tu entends. Écouter, ça veut dire prêter attention à la chose. Être attentif à la chose qui est dite, afin que tu puisses bien l'assimiler, la comprendre, et par la suite la mémoriser, et la mettre en pratique convenablement, et par la suite la propager de manière correcte. Et on a vu donc ici à nouveau l'importance de la mise en pratique. L'importance de la mise en pratique. Et c'est dans ce sens-là que Abu Darda, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait: tu ne seras pas savant avant d'être apprenti. Na'am. Et tu ne seras pas réellement apprenti. Et tu ne seras pas réellement savant avant d'avoir mis en pratique ce que tu apprends. Avant d'avoir mis en pratique ce que tu apprends. Parmi les points importants à soulever concernant l'apprentissage de la religion, concernant l'apprentissage du savoir, il y a la gravité du fait de rechercher par cela la fausse parure de ce bas monde. Et on a dit précédemment que la recherche de la science est une adoration à part entière. Naam. Et nous savons tous que l'adoration doit être vouée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le fait de vouer l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle ça comment? On appelle ça du shirk, polythéisme. Naam. Donc il est important de garder à l'esprit la gravité de cette chose-là, et savoir que ici, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que le shirk peut rentrer dans l'apprentissage de la science, et ce, en recherchant autre que l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, Al-Hassan al-Basri, il disait: celui qui aime ce bas monde, la crainte de l'au-delà sortira de son cœur. Et celui qui recherche le savoir et qui augmente en avidité dans les biens de ce bas monde n'augmentera auprès d'Allah qu'en éloignement et dédain. Donc c'est une parole forte de la part de l'imam Al-Hassan Al-Basri qui te dit ici que celui qui aime ce bas monde, la crainte de l'au-delà sortira de son cœur. Et celui qui recherche le savoir et dont l'avidité dans les biens de ce bas monde augmente, il n'augmentera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'en éloignement et dédain. Ça, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Garder à l'esprit donc l'importance, barakallahu fikum, de la sincérité dans l'apprentissage et la gravité du fait de chercher par cela l'agrément d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou de chercher autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les points importants à mentionner dans ce chapitre-là, il y a l'incitation à la recherche de la science avant qu'elle ne soit reprise. Rechercher la science avant qu'elle ne soit reprise. Abdullah ibn Mas'ud disait, donc le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: apprenez la science avant qu'elle ne soit reprise. Et elle sera reprise par la mort de ceux qui la détiennent, c'est-à-dire les ulama. Et vous trouverez des gens qui prétendent vous appeler au livre d'Allah, alors qu'ils l'ont rejeté derrière eux. Apprenez la science, car aucun parmi vous ne sait quand il en aura besoin. Ou qu'un de ses proches en aura également besoin. Apprenez la science et méfiez-vous des innovations. Et accrochez-vous aux premières références de cette communauté. Et accrochez-vous aux premières références de cette communauté. Parmi les points importants à mentionner également concernant ce chapitre, il y a l'incitation au fait de s'éloigner des péchés afin d'acquérir la science. S'éloigner des péchés pour acquérir la science. Waqi' disait, qui était donc le cheikh de l'imam Shafi'i, ce professeur, il disait à ses élèves, améliorez votre mémorisation en délaissant les péchés. Améliorez votre mémorisation en délaissant les péchés. Et son élève, donc, l'imam Shafi'i, disait, Shakawtu ila waqi' su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala a'lam an al-'ilma nurun wa 'ilmu Allah la yuhda lil-'asi. Je me suis plaint à Waqi' de ma mauvaise mémorisation. Il m'orienta donc vers le délaissement des mauvaises actions. Il me dit aussi, sache que le savoir est une lumière et que la lumière d'Allah n'est pas donnée aux réfractaires. C'est-à-dire à celui qui désobéit à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le réfractaire ici, donc, c'est celui qui désobéit à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on terminera avec un point également important, auquel nous avons déjà fait référence précédemment, notamment dans la parole de Soufiane ibn Uyayna, je pense que vous vous en rappelez, et également celle de Ibn al-Mubarak, c'est l'importance de la diffusion de la science. Propager cette science-là. Propager cette science-là. Et c'est dans ce sens que Ibn al-Mubarak, toujours lui, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, incitait à cela. Et il disait que celui qui ne transmet pas le hadith, celui qui ne propage pas le hadith, il va être surpris par une de trois choses. Soit la mort. Na'am. Et à ce moment-là, sa science, elle va disparaître avec lui. Soit l'oubli. Il va l'oublier. Soit il va être éprouvé par le gouverneur. Soit il risque d'être éprouvé par le gouverneur. Et ici donc, c'était de manière résumée quelques points importants concernant le sujet de la science, la recherche de la science. Et il y a beaucoup d'autres points à aborder. Et je vous invite donc à retourner aux livres qui y sont liés. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين